chapitre 6e, où il est enfin question du flacon d'argent. Octave, il faut le dire, était fort gêné de sa contenance. Il n'osait ni se lever, ni parler, ni pourtant rester immobile. Les deux époux, perdus dans un paradis de félicité, l'avaient complètement oublié, mais lui se sentait malheureux et déplacé à côté d'eux. Devant ces grands épanchements du cœur, inondations qui rompent avec l'impétuosité d'une onde, trop longtemps contenues les digues des convenances, de l'égoïsme et des préjugés, un tiers indifférent est toujours ridicule. À cette contrariété bien naturelle, se joignait chez le comte une sourde douleur. Cette gracieuse jeune femme, qu'il voyait prodiguer à un autre les trésors de sa délicate tendresse, c'était bien l'élégante vision qui s'était penchée sur son lit de souffrance, celle qui avait rafraîchi ses nuits de fièvre. Mais le rêve adoré s'évanouissait au moment où il pouvait le saisir. Son cœur se gonfla d'amertume, et il se prit à regretter de n'être pas un cadavre balancé par le vent. Tout à coup, Lord Weymouth, par un brusque retour sur lui-même, pâlit et repoussa doucement sa femme. « Je suis un fou, » dit-il enfin d'une voix affreusement altérée. « Voilà que je me laisse aller à croire, comme un enfant, ce que le devoir, la pitié, peut-être, vous inspire. Merci de votre compassion, Emma, et pardonnez-moi cet instant de faiblesse. »« La pitié, le devoir, » répéta la jeune femme avec étonnement. « Que voulez-vous dire, quand je vous parle d'affection, de tendresse ?»« Ce n'est pas moi que vous aimez, » interrompit Lord Weymouth. « Épargnez-vous le soin inutile de me tromper. »« Ah !» dit la jeune femme en se relevant droite et fière. « En effet, j'avais oublié cette injure. Vous êtes cruel de m'en faire souvenir. »« Tenez, Emma, » reprit l'anglais, « ne voyez en moi qu'un frère indulgent, qu'un ami sincère. Ouvrez-moi votre âme. Ce n'est pas d'une affection banale que je vous chéris. Le sacrifice est fait, d'ailleurs. Mon cœur ne peut plus être blessé, et il a saigné tout son sang. »« Mais, » s'écria-t-elle, offensée et en se tordant les mains, « quel homme êtes-vous donc, ou plutôt quelle femme supposez-vous que je sois ?» « Et avez-vous si triste opinion de moi? Me jugez-vous assez vil, assez bas tombé, pour farder ainsi ma parole et ma pensée ?» Lord Weymouth la considéra avec angoisse. « Oh, dit-il, si je pouvais vous croire. » Emma laissa tomber sur son mari un regard plein de tendresse miséricordieuse. « Pauvre cœur méfiant, dit-elle, il faut que vous ayez bien souffert, avant d'arriver à cet abîme de doute. Mais au nom du ciel, reprit-elle, les yeux étincelants et belles d'indignation, que savez-vous? Que vous attendiez? Que je vous trompe? Que j'en aime un autre? Mais on n'avance pas de pareilles infamies sans en fournir les preuves. Ces preuves, où sont-elles? Lord Weymouth se leva brusquement et parcourut la chambre à grands pas. Il était évident qu'il se livrait en lui un combat douloureux. À la fin, il s'arrêta devant sa femme et la regardant fixement. « Vous le voulez? Dit-il. Je l'exige. Eh bien, restez, comte, » ajouta-t-il à un mouvement que fit Octave pour s'éloigner. « Vous n'êtes point de trop ici. » Et le présentant à sa femme, « Monsieur le comte de Soubran, » dit-il, « un ami à qui j'ai confié le commencement de mon secret. Je désire qu'il veuille bien en connaître la fin. » Jusque-là, Lady Weymouth, absorbée par les différentes sensations qui venaient de se succéder en elle, n'avait fait aucune attention à Octave. Elle se rappela sa présence, et à la pensée qu'un étranger avait assisté à cette scène conjugale, un nuage rose glissa sur la mateur satinée de ses joues. Néanmoins, elle se remit vite, et tandis qu'Octave, de plus en plus embarrassé, s'inclinait profondément. « Les amis de mon mari, » dit-elle avec une réserve pleine de dignité, « ont droit à toute mon estime. Soyez le bienvenu, monsieur le comte. » Rien dans sa physionomie, au grand désappointement d'Octave, ne trahit la surprise, rien n'indiqua qu'elle reconnut, mais, se tournant vers son mari, « Parlez, monsieur, » lui dit-elle, « la présence d'un témoin ne m'effraie pas. Et je suis prête à vous répondre. » Lord Weymouth prit les deux mains de sa femme entre les siennes et lui dit avec douceur, « Vous souvient-il, Emma, que dans les premiers temps de notre mariage, je vous donnais un objet, de bien mince valeur sans doute, mais auquel je tenais beaucoup parce qu'il me venait de ma mère. » La jeune femme se troubla, et après une légère hésitation, elle répondit en rougissant, « Un flacon de sel en argent ciselé, oui, Georges, je m'en souviens. » « Pourriez-vous me dire ce qu'il est devenu ? Mon Dieu ! Il faut que je vous avoue. Ah, il m'a coûté bien des larmes, ce malheureux flacon. Ne me grondez pas, Georges. Je l'ai égaré. Perdu je ne sais où, et jamais je n'ai osé vous l'avouer, sachant combien il vous était cher. Mais quel rapport ? Ce flacon, je l'ai retrouvé, dit Lord Weymouth. Vrai ? s'écria Emma en battant joyeusement des mains. « Quel bonheur ! Sa perte était un de mes grands chagrins. Je l'ai retrouvée à Fontainebleau. » continua l'anglais en observant l'effet que produisaient ses paroles. Octave tressaillit. « À Fontainebleau ? » répéta Emma en cherchant à rassembler ses souvenirs. « Mais en effet, j'y ai passé quelques jours, l'année dernière avec vous. » « Vous vous trompez, Emma. Ce n'est point l'année dernière, mais l'année précédente que vous avez laissé ce flacon à Fontainebleau, et je n'y étais pas. »« Comment serait-ce possible ? » dit la jeune femme en souriant. « Vous savez que l'année dernière, je voyais Fontainebleau pour la première fois. »« En êtes-vous sûr ? » dit Lord Weymouth. « Sans doute. En vérité, Georges, vous ne parlez que par énigme. » »« Je vais donc m'expliquer plus clairement. L'été dernier, nous descendîmes, vous vous le rappelez, à l'hôtel de l'Aigle d'Or. À l'Aigle d'Or, pensa Octave, c'est bien cela. Tandis que l'on nous conduisait à notre appartement, continua Lord Weymouth, j'entendis une servante dire à une autre en vous désignant. Tiens, voici la jeune dame de l'année dernière. Tu sais, celle dont l'amant était malade. Rends-lui donc le flacon qu'elle a oublié. Mais cette femme mentait, monsieur, et vous ne m'avez pas fait, j'espère, l'injure d'en douter. Certes, je n'attachais d'abord aucune importance à ces paroles. Mais le lendemain, cette servante m'arrêta dans l'escalier et me donna le flacon en me priant de vous le remettre. Jugez de ma stupeur quand je reconnus que c'était le vôtre. Emma poussa une exclamation de surprise et son visage candide exprima la plus vive indignation. Octave, qui s'attendait à la voir pâlir, balbutier, chercher quelque subterfuge, fut complètement dérouté. « Et vous ne m'en avez rien dit ? » s'écria-t-elle. « Ce fut un tort. J'aurais dû venir à vous et vous demander une franche et loyale explication. Telle fut aussi ma première pensée. Mais tandis que j'hésitais, tandis que cette femme, dans un but cupide, me racontait je ne sais quelle sotte histoire de duel, de jeune homme blessé que vous n'aviez pas l'air de connaître durant le jour, mais que chaque nuit vous alliez furtivement retrouver dans sa chambre, je me souvins, moi, qu'à l'époque dont elle parlait, forcée de remplir une mission en Espagne, je vous avais laissé à Paris, seul et livré à vous-même. » Et, dit Lady Weymouth avec un sourire de dédain, vous avez supposé que, pendant ce temps... Je n'ai rien supposé, Emma. Rien du moins de blessant, pour votre honneur. Je cherchais au contraire des prétextes pour excuser la légèreté de votre conduite. Ce jeune homme, c'était peut-être un parent, que sais-je, un ami d'enfance. Quelques sentiments sacrés vous faisaient un devoir de veiller sur lui. Mais pourquoi m'avoir caché si longtemps et si soigneusement ce voyage à Fontainebleau ? Lady Weymouth laissa échapper un geste d'impatience. La honte, la colère, la dignité méconnue empourprèrent sa charmante figure. « Encore une fois, s'écria-t-elle, je n'ai jamais été à Fontainebleau qu'avec vous. » Cette obstination à nier l'évidence commença de froisser l'anglais. « Ah ! fit-il douloureusement, je suis bien malheureux. Après avoir assisté à la ruine de mon bonheur, j'espérais du moins en votre estime, en votre amitié. J'ai employé tous les moyens pour gagner votre confiance et je n'y puis réussir. Mais, s'écria-t-elle, les yeux pleins de larmes, que voulez-vous que je vous confie ? Je n'ai pas un secret que vous ne connaissiez pas un, je le jure, devant Dieu. Et pourtant, Emma, depuis un an, vous devenez chaque jour plus pensive, plus triste, plus taciturne. Hélas, dit-elle, c'est que vous-même étiez devenu si froid et si sombre qu'il me semblait que vous ne m'aimiez plus. Ne serait-ce point plutôt que vous luttez entre le devoir et un amour coupable, que vous cherchez en vain à déraciner un souvenir ancien ? Allons, cher enfant, pourquoi ne pas me dire tout ? Parce que cela est faux, Georges. Parce que je n'aime, je ne chéris qu'un homme au monde, et cet homme, c'est vous. Quel est donc celui que vous avez veillé pendant 15 nuits en mon absence et à mon insu ? Je ne sais ce que vous voulez dire. Et quoi ? Sur la foi d'une servante d'auberge qui peut-être a menti ou bien qui a été abusée par quelque étrange ressemblance, vous avez gardé pendant 1 an des soupçons qui m'outragent et qui vous déshonorent ? Ah, Georges, et vous prétendez m'aimer. Mais ce flacon, ce malheureux flacon, comment expliquez-vous sa présence à Fontainebleau ? Je ne l'explique pas. Je vois dans ce fait une étrange et désolante fatalité, voilà tout. Et d'ailleurs, le flacon qui vous a été remis, est-ce bien le mien ? Il n'y a pas d'erreur possible. Mon chiffre, les armes de ma famille, sa ciselure bizarre et particulière, tout le fait reconnaître. Au reste, Vous allez le voir, et si vous parvenez à me prouver que ce n'est point le vôtre, eh bien, j'oublierai mes doutes et mes soupçons. » Et Lord Weymouth sortit rapidement. Alors le comte de Soubran s'avança vers la jeune femme. « Madame, lui dit-il d'un accent ému, avant de quitter cette maison, pour n'y jamais rentrer, me permettrez-vous de saisir cette unique occasion de vous exprimer ma respectueuse gratitude ?» Lady Weymouth le regarda d'un air étonné. « J'emporte, continua-t-il, une reconnaissance qui ne finira qu'avec ma vie, et aussi le regret d'avoir été un sujet de trouble involontaire dans un intérieur si étroitement uni. » Emma ouvrit de grands yeux comme quelqu'un qui ne comprend pas. « Prête à me séparer de vous pour toujours, poursuivit Octave, je maudis le hasard qui m'a mis autrefois sur votre chemin. Depuis 2 ans, votre image radieuse a constamment plané devant mes yeux. J'avais fait de beaux rêves. Pardonnez-moi, madame, je vous croyais libre, et j'osais, par la pensée, m'élever jusqu'à vous. Aujourd'hui, qu'il me faut renoncer à ces 12 chimères, mon cœur se brise. » La jeune femme recula effrayée. Elle se demandait si Octave n'était pas fou. « Ce langage vous offense, reprit le comte. Je me tais, madame. Mais encore un mot. C'est le conseil d'un honnête homme, d'un ami. Pourquoi nier à Lord Weymouth un mari qui possède toute votre tendresse, une démarche dont il a la preuve, et que vous serez forcé de lui avouer tôt ou tard? Dites-lui la vérité. Elle n'a rien que... Elle n'a rien que d'honorable pour vous. Jusque-là, il doutera de votre amour, et ce doute empoisonnera sa vie. « Pardon, monsieur, interrompit Emma, je suis bien peu intelligente peut-être, mais je ne comprends pas un mot à ce que vous me faites l'honneur de me dire. » « Se pourrait-il, dit Octave avec tristesse, que vous ne m'ayez pas reconnu ?»« Reconnu, mais je vous vois aujourd'hui pour la première fois. » La vanité du comte reçut un rude choc. On ne se rappelait même pas sa figure. Il se mordit les lèvres. « Que vous m'ayez oublié, reprit-il amèrement, je le conçois. Qu'étais-je pour vous? Un étranger, un indifférent. Dans votre inépuisable bonté, vous eussiez prodigué au premier mourant venu les soins dont vous m'avez entouré. Moi, fit-elle en riant, je vous ai entouré de soins. Mais, poursuivit Octave, mais moi je me souviens, et votre souvenir est irrévocablement lié à mon séjour à Fontainebleau. Encore Fontainebleau? S'écria Lady Weymouth, irritée. « C'est donc décidément une gageure. »« Soit, monsieur, je veux bien le répéter une dernière fois. Je n'ai jamais mis les pieds à Fontainebleau sans mon mari. Je ne vous ai jamais vu, je ne vous connais pas, et je vous prie de cesser une plaisanterie de mauvais goût qui me fatigue et qui m'outrage. » Le comte resta frappé de stupeur et de dépit. « Ah ça, pensa-t-il, je dirais comme Basile, qui trompe-t-on ici ? » Il y eut un moment de silence. La jeune femme, très agitée, frappait nerveusement et à petits coups pressés le velours de la cheminée. Octave, furieux, prit son chapeau et se disposa à sortir. Tout à coup, la pendule sonna 10 heures. Lady Weymouth tressaillit. Elle relut vivement une lettre que jusque-là elle avait distraitement froissée dans sa main. Pendant quelques minutes, sa physionomie trahit une réflexion profonde. Puis, comme si une idée subite l'eût éclairée, elle sourit et, arrêtant le comte d'un geste, « Si j'ai bien compris, dit Emma, vous êtes ce blessé dont parlait mon mari tout à l'heure. » Octave s'inclina avec raideur. « Il le sait, il l'ignore. » « N'y a-t-il pas eu 2 ans au mois de mars que vous étiez à Fontainebleau ?»« Au mois de mars, oui, madame. » »« Et celle qui vous a soigné me ressemble beaucoup ?»« Beaucoup, dit le comte ironiquement. Il n'existe pas de ressemblance pareille. Qui sait ? Mais rassemblez vos souvenirs. » N'avez-vous rien remarqué sur son visage que vous ne retrouvez plus sur le mien? Rien. Voudrait-elle me faire croire qu'elle a un sosie? Pensa le comte. Cherchez bien. Mon fantôme n'avait-il pas un signe particulier, comme disent les passeports? Un signe, murmura Octave. Attendez. En effet, il me semble... Il mit une main sur ses yeux. Oui, dit la jeune femme, quelque chose comme une mouche, un grain de beauté. Au coin de la lèvre inférieure. S'écria le comte. « C'est vrai, je m'en souviens maintenant. » Lady Weymouth poussa un soupir d'allègement et tomba sur un fauteuil en riant à gorge déployée. L'anglais qui rentrait resta pétrifié devant cette hilarité insolite. Le comte commençait à comprendre, mais il doutait encore. « Quand vous serez plus calme, dit enfin Lord Weymouth avec humeur. « Me ferez-vous la grâce d'examiner ceci ?» Emma prit le flacon et le rendit à son mari. « Je le reconnais, » dit-elle. « Ainsi, vous avouez que ce flacon est bien le mien, oui, Georges. » Et cet individu, ce jeune homme de Fontainebleau, c'était monsieur. Vous, monsieur le comte, moi, appuya Octave. Lord Weymouth roulait de surprise en surprise. M'expliquerez-vous ? Bégaya-t-il. Rien, en ce moment, dit Emma. Écoutez, fit-il en prêtant l'oreille. Un roulement sourd et lointain se faisait entendre. Il se rapprocha. Bientôt l'on put distinguer le bruit des grelots et l'éclatement d'un fouet. Puis une voiture ébranla les rues silencieuses de Neuilly. Enfin, la grille de l'hôtel s'ouvrit avec fracas et une chaise de poste entra dans la cour. « Mon ami, dit Lady Weymouth, tout à l'heure, quand je suis entré ici, j'avais une bonne nouvelle à vous apprendre. Cette nouvelle, c'était l'arrivée d'une personne qui m'est chère à plus d'un titre et que je veux vous présenter. « Parbleu, dit l'anglais indigné, l'instant est assez mal choisi pour... Au contraire, cette dame ne pouvait venir plus à propos. Vous en conviendrez. » Quand vous l'aurez vu. Je me retire, dit Octave. Non pas, monsieur le comte, vous êtes nécessaire ici, et vous resterez. Mais, s'écrièrent ensemble les deux hommes, pas un mot de plus, messieurs. Vous êtes mes prisonniers sur parole. Seulement, comme votre présence empêcherait peut-être cette personne de me faire quelques confidences très importantes, vous allez me faire le plaisir d'entrer dans ce salon et de n'en sortir que quand je vous appellerai. C'est une dérision, dit Lord Weymouth, et je... « Chut, je l'entends. Vite, vite, entrez. Pour vous distraire, je vous permets d'écouter notre conversation. Si mes conjectures sont justes, vous la trouverez, l'un et l'autre, instructive. » Et Lady Weymouth poussa en riant les deux hommes ébahis dans le salon voisin. La portière retombait à peine sur eux que la portière s'ouvrit avec fracas.